Taifour, et voilà donc le Mali qui, depuis le départ de la France, poursuit avec les différents partenariats. C'était d'abord avec la Russie, et voilà qu'ils ont donc décidé, les militaires au pouvoir, d'ouvrir également leurs portes à la Chine. Et voilà qu'un important donc lot d'équipement a été envoyé à Bamako dans le but de faire reculer le terrorisme. Le Mali a tout à fait donc raison de diversifier ses alliances. A priori, là, il n'a pas fait exclusivement le choix des Russes ou des Chinois particulièrement. Sauf que dans ce cas de figure, la Chine est très avancée militairement, contrairement à ce qu'on croit. C'est pratiquement, elle est en passe de devenir la première donc, puissance, et au-delà du caractère économique, puissance donc militaire. Et ma foi, donc je pense que le Mali a pris le sens de la mesure. C'est dans cette perspective-là que le Mali est en train de s'inscrire dans une perspective d'alliance de gagnant-gagnant, à savoir que par le passé, les alliances qui ont été faites par les différents présidents maliens, notamment avec la France, n'ont pas abouti. On a vu que la France a quelque part échoué dans sa politique, donc France-Afrique, et particulièrement au Mali, suite à l'opération Barkhane et Serval avant. Donc on voit bien aujourd'hui que le Mali a plus ou moins réalisé qu'il était beaucoup plus dans ce qu'on appelle un réel politique. Et il faut savoir que le monde d'aujourd'hui, surtout que nous sommes dans une mutation donc d'un ordre mondial nouveau qui est en train de se passer sous nos yeux, et ma foi, les Maliens, encore une fois, ont choisi donc de s'allier à des puissances émergentes qui, a priori, n'ont pas de d'arrière-pensée politique pour investir au Mali, sachant que la Russie a, pour sa part, des perspectives tout à fait louables. Pourquoi? Parce qu'ils sont confrontés au même titre que le Mali à des terrorismes islamistes, que ce soit du côté de la Tchétchénie, même si ça s'est apaisé depuis que Kadyrov est aux commandes, mais le danger islamiste n'est toujours pas écarté dans le Caucase, et c'est dans cette perspective que les Russes sont en train d'agir, on va dire sans hypocrisie. Les Russes ont bien compris que le danger terroriste, et notamment émanant celui des salafistes et des djihadistes d'une manière générale, était donc une menace réelle pour la stratégie et la stabilité des pays, ce qui est le cas du Mali, de toute la bande du Sahel. Aujourd'hui, c'est dans cette perspective justement de guerre contre le terrorisme que le Mali est en train de nouer aussi des alliances, notamment avec les Russes, de manière palpable. Pourquoi? Parce que les Russes sont très très sincères dans leur lutte contre le terrorisme. On l'a vu d'ailleurs dès 2015, septembre 2015, en s'impliquant en Syrie. Ils avaient compris que la profondeur, d'ailleurs même Poutine avait dit à l'époque, avait dit que la profondeur stratégique de la Russie ou de Moscou commençait en Syrie, c'est-à-dire à partout, donc la seule fenêtre sur ce qu'on appelle les eaux tièdes, à savoir la Méditerranée. C'est dans cette perspective-là aussi que les Russes se sont impliqués dans cette guerre contre le terrorisme. On en voit maintenant les résultats sur le terrain. Le Daesh est quasiment battu, même s'il y a eu une coalition, on va dire, hybride entre les différents protagonistes, que ce soit les Américains, les Français, les Occidentaux de manière générale. Il y a eu aussi, on va dire, une alliance un peu hétéroclite, c'est-à-dire l'Iran, vous avez le Hezbollah, la Russie d'un côté, qui se sont même attelés donc à combattre le Daesh. Et c'est réellement, pratiquement, on va dire, pratiquement, c'est cette équipe-là qui a remporté le pari, justement, de cette guerre contre le terrorisme, à savoir que toutes les régions qui étaient occupées par le Daesh, c'est-à-dire une partie de l'Irak, une partie de la Syrie, ont été carrément démantelées par le Hezbollah, la Russie et l'Iran. Il faut jamais oublier, il faut jamais perdre ça de vue. Alors, maintenant, si on devait parler des autres belligérants, c'est-à-dire des partenaires occidentaux qui ont même aussi combattu, il faut le reconnaître, le terrorisme, mais d'une manière un peu plus mitigée, parce qu'on a vu des résultats un peu mitigés un peu partout. On l'a vu lors de la prise de la ville mythique en Syrie, après avoir été libérée par les Russes, quelques mois après, on va dire que les troupes russes et syriennes ont été bombardées. C'est dans ce sillage-là que Daesh est revenu. Et on a vu que cette lutte n'était pas vraiment équilibrée, surtout du côté occidental, qui ont été quasiment, enfin les Occidentaux étaient donc accusé de d'aider ce qu'on appelle le Daesh à l'époque, parce que pourquoi? Parce qu'on avait bombardé le seul front justement qui s'opposait à cette mouvance radicale de l'islam radical, donc le Daesh en l'occurrence, et c'est dans cette perspective-là justement que les on va dire que les belligérants, enfin en parlant de des Iraniens, des Russes et des Syriens et même le Hezbollah libanais, qui ont quasiment accusé les Occidentaux d'avoir aidé le Daesh à revenir à Palmyre. Voilà, je cherche le mot de la ville antique, c'est Palmyre. Et on voit bien que cette ville a été quand même le théâtre, on va dire, des actes horribles du terrorisme, parce qu'on avait à l'époque exhibé des militaires syriens qu'on avait égorgés, donc et qu'on avait mis ça en scène, et c'était horrible. Donc c'est la raison pour laquelle certains pays, par exemple, comme le Mali, pour revenir au Mali, qui ont compris qu'il fallait beaucoup plus s'allier aux Russes que plutôt qu'une autre force, s'agissant des Occidentaux. Donc ils ont quasiment changé de fusil d'épaule. Et là, je crois que les Maliens ont, on va dire qu'ils sont convaincus de leur choix. Ils le voient aussi même maintenant avec les Chinois qui sont en train beaucoup plus d'investir, même s'ils fournissent des armes aux Maliens, c'est beaucoup plus pour stabiliser la région, parce que sachant que la région donc, est livrée à des turbulences, toujours dues à ce qu'on appelle le terrorisme islamiste, et les Chinois, ma foi, par cette initiative, ils visent à stabiliser ce qu'on appelle la route de la soie. Et on le voit bien, chacun ses objectifs. Alors, vous avez les Russes qui combattent le terrorisme avec les moyens qu'ils ont, et surtout avec force et vigueur. Et vous avez les Chinois qui n'ont pas intérêt à ce que le monde entier, quel que soit donc le pays ou la région où il opère, que ce soit au Moyen-Orient ou en Afrique, ils ont besoin d'une stabilité pour assurer ce qu'on appelle leur transition économique, politique et militaire, surtout économique et commerciale. Pourquoi? C'est pour stabiliser justement c'est le chemin de ce qu'on appelait autrefois le chemin de la soie. Et ma foi, donc je pense que le Mali, encore une fois, même si on peut, enfin en entendant par là qu'il y a certaines forces, on va dire étrangères, notamment occidentales, qui critiquent cette alliance, mais je pense que le Mali est un pays souverain, qu'il a le droit de choisir qui il veut pour mener la guerre contre le Daesh, contre, on va dire, les djihadistes comme le Boko Haram ou comme les islamistes venus du nord, c'est-à-dire d'Algérie ou de l'est, du côté libyen. Ils ont tout à fait raison de choisir leur partenaire, et ma foi, les Russes ont encore montré leurs compétences en la matière. Afrique Média, le monde, c'est nous.